Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, de l'imam Al-Allama Ibn Qudam Al-Maqdisi, rahimahullah. Tahmounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafizahullah Ta'ala, cours numéro 8. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. On akmil... عليكم السلام. يعني ما ذكر أهل العلم على هذه اللفظة المذكورة في اللمعة قول ابن قدامة رحمه الله وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. تقدم معنا أمس أن مذهب المفوضة أصحاب التفويض المبتدع أي في معاني الصفات يقولون أن آيات الصفات من المتشابه. وقرأنا كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله وكلام الإمام ابن القيم رحمه الله بينوا أن هذا خطأ، أن آيات الصفات من الآيات المحكمات. وكذلك فذكرنا أن مذهب المفوضة مبني على أصلين. Le مذهب des مفوضة il est fondé sur deux fondements. On les a cités أمس. ما هما؟ معنى الصفات لا يعلمها لا يعلم أحد معاني الصفات إلا الله عز وجل. والأصل الثاني عليكم السلام. أحسنت. أن ذكر معنى من معاني هذه الصفات يستلزم عندهم التمثيل، وهذا سباطل. سمقدمة مع اعتقاد المفوض أن آيات الصفات من المتشابه تسع سا أمبليكي والعياذ بالله سسون إقاري إيزون دليسي عقيدة السلف، هذا الذي تقدم أمس. قال الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى في الفتاوى: وأما ما ذكره في اللمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة وهو من شر المذاهب وأخبثها. نعم، لأنه فيه كما نشرح أمس تجهيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتجهيل للسلف الصالح، وكذلك فيه أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات على نبيه صلى الله عليه وسلم ولا أحد يعلم معناها. فلهذا يقول أهل العلم خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مذهب المفوضة من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. والشيخ محمد إبراهيم رحمه الله إلى غبخي سباغول هنا. على كل حال وفني نحن ست مسألة أن الإمام ابن قدامة رحمه الله استخبي في هذه المسألة. زل طالب العلم يعني يعرف هذا حتى يجتنب الخطأ والزلل. فالخطأ اللي مرفوض الخطأ l'erreur on l'accepte pas elle vient de n'importe quelle personne. Si c'est un savant de la sunna comme ibn Qudama rahimahullah on le respecte et on l'aime fillah et on reconnaît son travail, ses ouvrages, sa da'wa. Lakin fi hadha al-mawdi' il s'est trompé, fa on s'écarte de l'erreur. Lakin comme on a dit hier al-insan fi mithl hadhihi al-masa'il yatakallam bi'ilm. Fa al-an matalan ta deux buhouth anta un bahth qui montre anna l'imam ibn Qudama rahimahullah il s'est trompé dans cette mas'ala et sa parole elle coïncide avec la parole des mufawwidha. T'as un autre bahth qui montre là. Là, l'imam ibn Qudama, il a voulu dire kada. Et il explique, il détaille. Al-insan la yata'assab. Yaqra, yadrus, et il prend l'avis qui pense que c'est le haqq. Wallahu a'lam. Wa la yunkir hadha ala hadha, wa la hadha ala hadha. لأن هذه المسائل الآن اجتهد بعض العلماء. Et ils ont montré que la personne là, il ne واحد مثلا ان فرير يدي انا لا انا جو برون لا في ك ابن قدامه في هذا الحال il s'est pas trompé c'est vous qui avez pas compris et il explique s'il arrive à expliquer طيب لا ينكر علي او واحد يدي لا انا je pense que ابن قدامه il s'est trompé il s'est trompé avec le salat et il explique لا ينكر عليه tant que c'est fait بعلم et le مهم c'est d'éviter l'erreur si une erreur on l'évite والجميع متفقون على جلالة الإمام ابن قدامة هذا لا بد أن يعلم حتى ceux qui ont montré que ابن قدامة il s'est trompé via cette masala ils sont d'accord avec les autres et ceux qui ont qui prétendent qu'il s'est pas trompé ils sont tous d'accord que ابن قدامة c'est un imam parmi les imams de la sunna هذا لا بد أن يعلم ويفهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويغفر لنا جميعا هذا ما يتعلق بهذه المسألة المهمة Et celui qui veut approfondir le sujet, on a cité les livres qu'il faut les lire. قال الإمام محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها وهذا مهم جدا On l'a expliqué, nous, un peu dans le Muqaddima. Cheikh Ibn Uthaymeen va nous expliquer la position des personnes par rapport au verset de Sifat. Vous allez voir qu'il y a des personnes, ils ont fait ressembler, wal'ayadu billah. Il y a des personnes, ils ont déformé. Il y a des personnes, ils ont rejeté. Il y a des personnes, ils ont accepté. À tout ça, rahimahullah, il va détailler. Il va détailler kalam al-imam ibn Qudama. رحمه الله تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين واضح جلي ومشكل خفي قال فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه فيجب الإيمان به لفظا وإثبات معناه حقا بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم عليكم السلام الواضح c'est quelque chose de clair tu dis cette مسألة elle est واضحة أي elle est claire pour toi il y a des versets du Coran أما les versets dans الصفات ils sont tous من هذا الباب comme il va expliquer Cheikh Ibn Uthaymeen لكن Cheikh Ibn Uthaymeen الآن il t'explique الواضح والمشكل أو المتشابه ثم رحمه الله يبقى تخشي لأن on a appris نحن أن بعض الناس المفوضة ils disent أن آيات الصفات c'est pas من الواضح c'est pas clair tu connais pas le sens Cheikh Ibn Uthaymeen il va t'expliquer les deux قسم les deux catégories ثم يبقى تخشي رحمه الله فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه c'est ça الآيات الواضحات il appelle كذلك المحكمات أي le sens il est clair celui qui comprend la langue arabe Il comprend ces ayat. Aqimu salat, le sens est clair. Tu dois accomplir la salat. Hakada les ayat fi sifat, bal yadahu mabsutatan. Le verset est واضح. Anna Allah subhanahu wa ta'ala il a deux mains. Qala fa yajibu al-iman bihi lafdhan wa ithbat ma'na. Hadha al-an c'est aqidat ahli sunnah. Et compare la phrase jumlat Cheikh Ibn Uthaymeen avec jumlat Ibn Qudam. Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il est clair. Tu comprends le verset et tu as la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a cette sifa. C'est ça le wadih, al-muhkam. Thumma, il a cité sans faire de ta'wil, de tamthil. Ça, bi'idnillah, il va l'expliquer plus tard. On le laisse. Qal wa amma al-mushkil. فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته أو قصر في فهم قارئه فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه وترك التعرض له لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه فنرد علمه إلى الله ورسوله وهذا سو مشكل سد فيرسي الآن إلا بل كذلك المتشابه Des versets, ça peut être un ishkal pour toi. Ça peut être un ishkal pour toi. Hada l'ishkal, il peut être nisbiyen. Mathalan, on est plusieurs, nahnu l'an. Peut-être que, si on récite un verset, Certains frères, ils vont le comprendre. Pour eux, c'est wadih. Il comprend la langue arabe. Il a lu des livres de tafsir, mathalan. Peut-être que pour d'autres, ça va être min al-mushkil. Il y en a, il comprend mal l'arabe. Ah, il n'a pas lu de tafsir. Enfin, ça peut être min al-mushkil. Et là, il dit, Cheikh Al-Utaymin, au qasr fi fahm qari'i. Ah, là, il faut bien faire attention. Ami, un verset simple, clair. Ça peut être un mushkil pour lui, là, il fahm. Amma, nous sommes sur ce vat. Tu peux trouver un ami là, Fahm. Tu lui dis maintenant, sifat al-istiwa. Tu peux trouver un ami là, Fahm. Ça ne veut pas dire que c'est un moufawid. Là. Les anna, lui, ce qui l'empêche de comprendre, c'est son jahl. Si tu lui expliques, al-istiwa, ça veut dire al-ulu ou al-irtifa. Il va dire Jazakallahu khayr. Khalas, il a compris al-ma'na. هذا لابد أن يفهم. أما شو من التمين يفسيتي أن الأصل سك نصوص الصفات من الواضح المحكم. فلا شك أن celui qui comprend pas une آية يتوقف. فلهذا شو من التمين يقول والتوقف في معناه. Il faut pas comprendre من هذا الكلام التفويض. لا. لأن شو من التمين يبى montrer الحق dans cette مسألة. Mais comme on a dit, un ami, maintenant, il entend ayah, mais dans le Coran, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Il ne sait pas ça veut dire quoi. Imma il a une faiblesse dans la langue arabe, imma il a une faiblesse dans la compréhension. À chaque hada, il ne peut pas dire, na'am, je connais la ma'na, et il parle. Là, hada, c'est un ignorant. Hada al-hal, il tawakkaf, il se tait. Mais ça ne veut pas dire que personne connaît la ma'na. Là. قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Si toi tu connais pas la معنى de ce verset, il y a des personnes qui connaissent العلماء. ففي هذا الحال tu demandes. أما المفوض. Et c'est là la différence. أما المفوض عنده personne connaît le معنى. Tu lui dis مثلا on va demander à Sheikh Fulan l'explication de ce verset, il va dire c'est pas la peine, personne le connaît, il n'y a qu'Allah qui connaît. Hada huwa at-tafwid. Wa hada huwa al-inhiraf. Amma celui qui ne sait pas quelque chose, yatawaqqaf et il demande et il fait des recherches hatta yafham. Ça peut concerner les sifat fil kayfiyya. مثلا لو واحد يدمد الكيفية يجي خلاص ولا كوكين معنا لكن الكيفية ودي هذا لا يعلمه أحد إلا الله. هذا خلاصة كلام شيخ ابن عثيمين. أما نحن الأساسيال هنا سكنصوص الصفات للذخس والله سبحانه وتعالى يسيب un de ses attributs فالمعنى المفهومة لواضحة. Et celui qui ne connaît pas la ma'na, il demande. هذا الخلاصة. قال وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقين. الآن il va citer la position des personnes par rapport à ce مشكل. Avec des versets que peut-être que tu ne connais pas le sens. Amma, on a dit, il faut se faire là, le sens il est connu. Si tu ne le connais pas, le problème c'est toi. Tu dois faire des efforts dans la langue arabe, tu dois faire des efforts fil ilm, et tu comprendras, بإذن الله. قال الطريقة الأولى طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه. المحكم c'est le واضح. Cheikh Mu'taymin, le premier taqsim, il a cité واضح ومشكل. الآن il va parler de محكم ومتشابه. C'est la même chose. المحكم c'est le واضح. C'est les versets clairs. المتشابه c'est ce qu'il a appelé dans le premier taqsim rahimahullah al-mushkil. Imma tu as besoin d'un autre verset pour le comprendre. Imma c'est un mushkil par rapport à toi. La personne n'a pas beaucoup de ilm, il n'a pas une grande compréhension. Il y a deux noms. Le taqsim, il a plusieurs noms. Muhkam et wadih, c'est pour les versets clairs. Et mutashabih et mushkil, يعني pour les versets qui. Ils ont besoin d'un autre verset pour que tu le comprennes. Ou un hadith. Les personnes par rapport à ce taqsim, al-mutashabih ou al-muhkam, ils se divisent en deux. Le premier qism, Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité, al-ulama. Qala, tariqat al-rasikhina fil ilma alladhina amanu bil muhkam wal mutashabih wa qalu kullun min indi rabbina wa taraku at-ta'arrud lima la yumkinuhum al-wusul ila ma'rifati wal ihatatu bih. Là, chacun de ces hauts-là, ils connaissent le sens des versets. Lakin mumkin, il y a des choses, ils ne vont pas chercher à savoir yani cette chose. Les anna, il n'y a qu'Allah qui connaît. Mitl ma'ala, kayfiyat al-sifat. Ahsanta. Mitl hadhi al-umur, fa'la ahad ya'lamuha illa Allah. Fa'ahlu al-ilm, fi hadha al-bab, ils ne vont pas détailler ou expliquer. Abadan. Si tu lui demandes comment aller sur ce vent, Awalan, il va te montrer que c'est un soual, c'est une question, c'est une innovation. La question même, c'est une bid'a. Les salaf, ils ne posaient pas ce genre de questions. Et celui, les salafs, quand ils entendaient une personne poser cette question, yunkiruna alay. L'histoire de l'imam Malik, elle est ma'ruf. تعظيما لله ورسوله وتأدبا مع النصوص الشرعية وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فالعلماء رحمه الله يتكسبليكون les versets de الصفات le sens بل يداه مبسوطتان ils vont te montrer أن c'est vraiment comment elles sont Allah أعلم به est-ce qu'elles ressemblent aux mains des créatures أبدا C'est ça la position de Ahl al-Ilm. Al-An, elle est wadiha. قال الطريقة الثانية طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدا للناس عن دينهم وعن طريقة السلف الصالح. هذه la deuxième position الآن أهل البدع والأهواء. هؤلاء الآن toujours ils essayent de mettre des doutes aux autres personnes avec le mutashabih. Imma c'est lui qui n'a pas compris, imma c'est min al-mutashabih. Maintenant, il peut dire, si tu dis que c'est une vraie main, ça veut dire qu'elle ressemble aux créatures. Autrok hada. Ça c'est un ilzam batil. C'est toi qui as cité que ça implique kada. Amma nahnu, on sait que c'est des vraies mains et elles ne ressemblent pas aux mains des créatures. Lakin, ils essayent de mettre des doutes. Fi dinillahi azza wa jal, il y a des choses, elles sont claires. Il suit les choses claires. Tu trouves pas de nas, d'aïmen, il tourne autour des doutes. D'aïmen. Des choses claires, matalan. At-tawhid, as-salat, as-siyam. Beaucoup de choses claires. Tu le trouves, il est daïf, jiddan, fiya. Il ne fait pas beaucoup de siyam, il ne fait pas beaucoup de salat. Et tu le trouves, d'aïmen, il tourne les choses où il y a des doutes. Pourquoi Fulan, comment, wa hadil umur. Tu le trouves, il est en train de se préoccuper des choses. Elle ne le regarde pas directement. Et tu le trouveras dans les choses qu'il le regarde directement. Il a un vaf, kabir. Ah, non, c'est pas une tariqat Ahl al-Salah ou Ahl al-Khayr. Abadan. Wa Ahl al-Khayr, ou s'ils ont des problèmes, tu trouveras, ils reviennent à Ahl al-Ilm. Il y en a, tu peux avoir des doutes dans quelque chose. Ah, ou t'as pas compris. Ah, la chèque. Lakin, yardi'ouna ila Ahl al-Ilm. Fas'alou Ahl al-Dhikr in kuntum la ta'lamou. أهل الزيغ والفتنة الشيخ ابن عثيمين يفاسيتي أبدا يغفين أهل العلم ولو سي يغفين أهل العلم سي بور فير دي فتن هذا لا يجوز لا بيرسون قصده سي الحق يبو الحق يبو سغابخوشي دالله يبو سيكارتي من عذاب الله قال فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون لا إلى ما يريده الله ورسوله شوف على ضلل الآن سوفرسي من المتشابه lui, il veut le comprendre avec sa hawa, avec ses passions. Son cas, ce n'est pas la compréhension que Allah subhanahu wa ta'ala il veut. Ou la compréhension des salaf. Là, les anna, ils voudraient cette compréhension, ils demandent à Ahl al-Ilm. Les savants, ils vont lui montrer. Amma ba'd an-nas, là, il veut sa compréhension à lui. Imma, tu es d'accord avec lui, imma. Pour lui, tu seras un égaré ou hakada. Hadi c'est min tariqat ahl al-zay. Amma as-sunni la, daiman son qasd, c'est on revient au haq. Il est avec moi ce haq ou contre moi. S'il est avec moi, alhamdulillah, s'il est contre moi, aïe, c'est pas moi qui a ce haq, tout le monde revient à ce haq. Et on arrête al-jidal. Hadi tariqat ahl al-ilm. Qala wa gharabu nusus al-kitab wa sunnah. بعضها ببعض وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضة والنقص ليشككوا المسلمين في دلالتها ويعموهم عن هدايتها وهؤلاء هم الذين ذمهم الله بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله هؤلاء بسبب ضعفهم في العلم وفي الفهم فقد يضرب والعياذ بالله آيات آية أخرى لأنه لا يفهم. مثلا أهل البدع والضلال في باب الصفات نحن السكس من المتشابه هؤلاء مثلا الله سبحانه وتعالى سيأتخي بيد الصفات الوجه واليدان النزول الاستواء العلو كل الصفات معلومة الإمام القدامى يبقى لديتاي واحدة واحدة عندهم من المتشابه بغنوس من الواضح لأنه سوي طريقة السلف ولله العظيم. فهؤلاء مثلا ما فهموا لماذا الله دي ليس كمثله شيء يا rien qui lui ressemble et il s'est attribué de صفات. Pour eux ces صفات elles ressemblent aux صفات des créatures. فإذا ont rejeté un des deux دليل لابد المشبه الممثلة ils ont rejeté ليس كمثله شيء. Et ils ont dit, Allah, il a des attributs comme les attributs des créatures. Ils se sont égarés. C'est des kuffars. Al-Mu'attila, ils ont rejeté As-Sifat. Ils ont dit, Laysa kamithlihi shay'un sihab, et ils ont rejeté les sifat. Anzur, kayf darabu nusus al-kitab wa sunna, ba'daha bi ba'd. Amma, alladhi waffaqahu Allah as-sunni, il rejette aucun des deux dalils. Il dit Allah, il a des vraies mains, il a un visage, il descend le dernier tiers de la nuit. Il a des doigts, Azzawajal. Le prophète, il a montré qu'il a des doigts, Asabi'. Tout ça, on y croit. Et on croit au verset, Laysa kamithlihi shay'. Il n'y a rien qui lui ressemble. Hadi tariqat ahl al-ilm. Je ne rejette pas. At-taslim wal-qaboul. Anta, tu te soumets. Si tu n'as pas compris, atlab al-ilm. Demande aux savants. Adnas, il ne comprend pas et il croit qu'il n'y a que lui qui comprend. Khalas, il n'a pas compris, ça veut dire que c'est faux. Na'oudou billah. Si tu n'as pas compris, ittahim nafsak. Ittahim nafsak. J'ai pas compris, demande tawadha lillah et t'arrivera à ahl al-bida' là. Ahl al-bida', ils n'ont pas compris. Allah, il ne les a pas wafaq à cause de leur ma'as et leur bida' et ils se sont égarés. Wal'ayadou billah. Kadhalik, on peut citer, on a comme exemple, dhalal al-khawarij min al-amthila. الظلال وانحراف الخوارج هناك آيات ما فهموها آيات الوعيد أن من فعل كذا فهو في النار يدزوت آيات كيموت أن الموحد توكمر على التوحيد في الصلاة فبإذن الله يغاد في الجنة ولو سلاد معاصي فالآن أهل العلم يبخل لدو فرسي سلويك مثلا وما يقتل مؤمنا متعمدا celui qui tue un mu'min volontairement Allah dans le verset il a montré il est fin nar al khawarij ils ont pris maintenant ce verset pour le comprendre il est min al mutajabih tu dois le comprendre avec les autres adillah fahum maintenant ils ont pris ce verset et ils ont délaissé al ayat al muhkamat مثل ماذا aya muhkama elle va nous montrer al murad dans les versets ou les hadiths celui qui fait kada il va finir c'est pas du shirk maintenant celui qui tue un mu'min c'est pas du shirk lakin fil aya il va finir fa al'an t'as besoin d'autres nusus min al-kitab wa sunnah pour comprendre mitl madha ahsant inna allah la yaghfiru an yushrak bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. في هذه الآية الآن المحكمة يدخل فيها القاتل لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به هل من قتل مؤمنا متعمدا مشرك لا سيبا مشرك إلى فين غير قتل مؤمن بلا حق قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هل القتل يدخل في الآية ها القتل يدخل في الآية لماذا نعم فقصدي أنا هل يدخل في عموم قول الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله يغفر ما دون ذلك نعم لأن القتل دون الشرك فالآن عقيدة أهل السنة أن العاصي هذا توكسي موحد Et il ne fait pas de shirk. Hada, Inch'Allah, s'il meurt, voilà où il a des grands péchés, Allah, s'il veut, Allah, il lui pardonne. S'il veut, il le châtie. Et même s'il le châtie, ça ne sera pas éternellement. Nous, on a pris ayah muhkama. Baqiya, l'autre ayah. Qad yaqul qa'il, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit finna. Inda ahl sunnah, hadil ayah, c'est min bab al-wa'id. Aïe, Allah subhanahu wa ta'ala, il le menace d'un châtiment. Il peut lui pardonner. Lakin, il risque hada. Il risque cette chose. Et Inch'Allah, on détaillera plus dès qu'on arrivera à ce passage. Les Anachir Mu'taymin, rahimahullah, ils vont citer Mithl Hadil Umur. Lakin, nous, on a cité cet exemple pour montrer, faqat, tu comprends bien comment ils se sont garés. Al-Murji'a, nafsu shay. Al-Murji'a, ils se sont garés, min hadal bab. Ils ont pris tous les hadiths, tous les versets. Anna, celui qui meurt, matalan, il dit la ilaha illallah. Il aime Allah, il aime son prophète, il est fil jannah. Et ils ont délaissé tous les versets fil wa'i. Al-Murji'a, c'est l'inverse de Khawarij. Ils se sont égarés min hadal bab. Et un homme, ils ont pris une partie des nusus. Mutashabih. Fadallu. Amma sunni da'iman tariqat ahl al-ilm. Al-Mutashabih, il revient au muhkam. S'il n'a pas compris, il demande à ahl al-ilm. Hada, c'est muhim. Et nous, on le voit ahyanan. On le voit, il y a un de nas, maintenant, il penche plus vers Kada. Tu le trouves, il s'égare. Lakin, il a compris un dalil, khalas, il croit que c'est ça le din. Mas'ala, si tu veux la comprendre, tu rassembles tous les adils. Aqwal ahl al-ilm. Qu'est-ce qu'ils ont dit, sahab? Qu'est-ce qu'ils ont dit, l'ulama? Et après, tu comprendras la mas'ala. Tatabad al-nas, il a un dalil, khalas. Il n'a pas compris. Peut-être que son dalil, il est abrogé. Ou peut-être que son dalil, il est vaïf. Ou peut-être que son dalil, il est sahih, lakin il est âme, il est global. Il y a un autre dalil qui va le spécifier. Hakada tariqata ahl al-ilm. Amma ba'd an-nas, il se précipite. Il a lu une aya. Ou il a entendu un hadith. Khalas. Il contredit tout le monde. Il croit qu'il est à la haqq. Hada al-ilm, il faut revenir à ahluh. Si tu veux comprendre ce ilm, tu reviens aux personnes, ils ont consacré leur vie à ce ilm. Al-ulama. Amma la personne, hakada, il avance tout seul, il se fera du mal. الآن مفهوم هذا انقسام الناس في المشكل والواضح المحكم والمتشابه اون سيتي لي زيكزامبل قال الشيخ ابن عثيمين تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والاشكال قال ان الوضوح والاشكال الان الشيخ ابن عثيمين انت سيتي لا بوزيسيون دو بيرسون الان اي فات سيتي القول الحق سي كوا لا بوزيسيون دو سني قال ان الواضح او ان الوضوح والاشكال في النصوص الشرعيه أمر نسبي يختلف به الناس بحسب العلم والفهم هذا أولا tu peux pas dire toutes les personnes ils ont la même position maintenant tu dis ce verset il est muhkam pour tout le monde tu peux trouver une personne le verset le plus simple il est clair pour lui il le comprend pas c'est normal maintenant il a pas la langue arabe فعنده ça va être un ishkal il est obligé de faire des recherches فشيخ ابن عثيمين رحمه الله يكمنص بهذا ان هذا الامر الى النسبي اي فالى النسبي par rapport au personnel par rapport à son علم et sa compréhension قال فقد يكون مشكلا عند الشخص ما هو واضع عند الشخص اخر هذا مفهوم هذا سي مهم قال والواجب عند الاشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه الذي لا يفهم ايه او تشكل عليه لا يتخبط ويخوض بلا علم لا هذا ماذا يفعل ما الواجب عليه هذا احسنت يسال اهل العلم et vous verrez que il s'évitera beaucoup de problèmes بعض الناس والله يتخبطون في مسائل ربما سنين لان la مساله ils sont entre ignorants Pourquoi Foulal il a dit? Pourquoi pas Foulal? Et il rentre dans des masailles, il rentre dans l'aqid. Hada il donne son avis, Hada il se contredit. À la fin, résultat, ils ont tous des doutes. Ils auraient cité la masala à Ahl al-Ilm. Ya Sheikh, nous on a un problème. Masala, on a maintenant un sujet, on n'a pas compris. Il lui cite le sujet. Maintenant, certains d'entre nous ils ont compris Kada, d'autres ils ont compris Kada. C'est quoi ton avis? Tu vas voir que très simplement, en quelques minutes, il va leur expliquer, mais idnillah, ils sont tous d'accord. Amma al-mushkila anna ba'd an-nas yatakhabbatun Iblis en profite. Comment à la fin, en général, ça finit, ils sont divisés. Fulan, il déteste Fulan, Fulan, il déteste Fulan, Fulan, il parle sur Fulan, Fulan, il parle sur Fulan. Ils seraient revenus à Ahl al-Ilm, à la chak. Anna, ils auraient compris. Hakada, Omour al-Dunya. Omour al-Dunya, mazalan, man indahu walad. Wa marida dhalika al-walad. Il ne va pas aller voir Ashab al-Shari. Il ne va pas aller voir ses copains. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que là? Il va voir Ahlul Khibra, un médecin. Hatta, on a déjà expliqué plusieurs fois, les médecins, il va faire attention. Il va vouloir le haut niveau. Falimada, tata'adjab fi d-din, tout le monde parle. Tout le monde a un avis fi d-din. C'est pas hakada. Il y a des masa'il, wallah, la yafhamuha kathir min al-nas. Hatta, ba'd talabat al-ilm, ils ne les comprennent pas. Fa, on revient à Ahlul Ilm. Hada, on le dit bil-lisan et on le fait. Ama, la parole, c'est facile. On le dit toujours, hada. On revient à Ahlul Ilm. Lakin, notre vie, il faut qu'elle soit hakada. T'as un problème, va pas voir un frère qui comme toi. Ah oui, il a peine au-dessus de toi. Ya akhi, dès la zadil omour, va voir un alim directement. Tastarih. Allah le musta. من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم سيسا لقول الصحيح شيخنا عتيمين يتسيت أن للتكست في الكتاب والسنة يبقى بقى دي تكست كي بيرسون كومبرون قال فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرفه أو لا يعرف أو لا يعرف أحد من الناس معناه Ça montre que nos sources de sifat pour Cheikh Ibn Uthaymeen, elles sont muhkama wadiha. C'est ça l'asr. Il se peut qu'une personne n'a pas compris. Hada, il demande. Amma l'ulama, là, chacun comprend. Ben, ils les ont expliqués, fi kutub al-i'tiqad. Ils les ont cités, ils les ont expliqués. Aïe le sens, amma l'kayfiyya, Allahu a'lam biha. Qala li anna Allah wasaf al-Qur'an bi annahu nur mubin. Wa anzala ilaykum nuran mubina. كيف يقول المفوض أن لا نفهم هذه الآية لا نفهم هذه الآية لا نفهم هذه الآية أين النور نور مبين si ça aurait été des versets incompréhensibles ça serait pas mobile فمعاذ الله قول المفوض إلي خطير جدا لهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية إلا كاليفي de شر من أشر أقوال أهل البدع والإلحاد لا إلي غاب إلي غاب si vous avez compris ما ذكر وبيان للناس وفرقان وأنه أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهذا يقتضي أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع بحيث لا يمكن أحدا من الأمة معرفة معناها قد يشكل على بعض الناس certaines personnes ils peuvent ne pas comprendre لكن جميع الأمة لا فالشيخ ابن عثيمين الآن il te montre أن الله سبحانه وتعالى il a qualifié ce Coran de mubin de nour, de lumière. Tibial al-Ikulishay, il nous a tout montré. C'est Huda, c'est un guide. Rahma, une miséricorde. À chaque que ces caractéristiques, ils montrent que ce Coran, les versets, sont clairs. Amma, toute la Umma, on ne comprend pas les versets de Sifat. Il est où le Huda? Il est où le Bayan? هذا ابدا هذا بالحقيقه قول المفوضه سنطعن في رب العالمين في القران في النبي الكريم عليه الصلاه والسلام في السلف الصالح هذا سيسا لو ريزولتا دو قول المفوض والعياذ بالله هذا مفهوم مفهوم قال معنى الرد والتاويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بين طريقة الناس في المشكل أي المتشابه والمحكم أي الواضح الآن il va montrer l'égarement de certaines personnes نحن الآن notre position أننا نؤمن بآيات الصفات نؤمن بها ونعلم معناها وإذا أشكل علينا شيء بسبب الجهل أو عدم الفهم نسأل أهل العلم هذا سيسا la conclusion pour l'instant on connaît les versets de صفات Eh bien, idnillah, les doros qu'on fait, on va petit à petit comprendre. Si on a un problème, on revient au savant. Ba'danas, ils se sont égarés. Imma min bab ta'wil al-tahrif, ils ont déformé, ils ont interprété avec leur passion. Imma min bab al-tamthil, ils ont fait ressembler, wal'iyadu billah. Imma min bab al-ta'til al-inkar al-rad, ils ont rejeté al-mufawwad الجهمي المعتزلي. الشيخ ابن عثيمين il va les expliquer واحد واحد. قال الرد كذلك il a un synonyme, on le cite souvent. هنا كلمة لها نفس المعنى. ما هي؟ الشيخ ابن عثيمين قال الرد نون une autre كلمة. Il va la citer كذلك. ما هي؟ أحسنت التعطيل. التعطيل سبي معنى الرد، سبي معنى الإنكار، سبي معنى التكذيب. فكذلك العلماء يلابل التعطيل. قال الرد التكذيب والإنكار مثل الجهمية والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى إلى أن فغمي أنه إلى أنفزاك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الجهمي دي لا يرد يكذب الآية. Il dit là, Allah il n'a pas de visage. Ya fulan, le verset il est clair. Allah il a dit il a un visage. Pour lui il ne veut rien comprendre, il n'a pas de visage. Si tu dis qu'il a un visage, automatiquement ça implique pour lui, tu as fait ressembler Allah aux créatures. Et هذا, c'est pas sahih, abadan. Qala, mitl, ayakul qa'il, laysa lillahi yadan, la haqiqatan wa la majaza, wa huwa kufrun, liannahu takdhibun lillah wa rasul. هذا c'est du kufr. لماذا؟ لأن إدمو الله يدي جدما أن ينيرو إبيان يدي لا إلا بدنا. فلهذا العلماء كما إلى ستة الإمام ابن القيم في النونية كفروا الجهمية. الجهمية ils ont renié toutes les صفات et tous les noms. فإذا ont renié une grosse partie du Coran. فلا شك que c'est des كفار. قالوا التأويل التفسير. التأويل اللي تخدوز par interpréter. مثلا هو il va expliquer. في الحقيقة on va voir que c'est du تحريف. في الحقيقة il va déformer. لأن les versets on a dit des صفاتs ils sont clairs. Tu le comprends avec la langue arabe. يد بمعنى يد حقيقية. أما المؤول المحرف يريد كما يزعم تفسير هذه الآية. سيقول مثلا اليد بمعنى القوة. هذا التأويل وفي الحقيقة التحريف. قال ابن عثيمين والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله بخلاف ما فسرها بها الصحابة والتابعون لهم بإحسان. تقدم معنا القاعدة الرابعة أن من سبقهم هم يقولون اليد بمعنى القوة. من سبقهم في هذا؟ الرسول لا جامي اكسبيكي هكذا. الصحابة ils ont jamais expliqué هكذا. فهؤلاء أولوا في الحقيقة c'est du تحريف. Ah, ils ont déformé. Ha'oula, c'est de dollal. Et demain, bi'idnillah, on verra le hukm de tout ça. An al-an dahab al-waqt. Man indahu ishkal, ou shay, fi hada. Inch'Allah, c'est wadih. Man indahu ishkal, c'est wadih. Khalas, révisez pour demain. Inch'Allah ta'ala. Subhanak Allah, wa bihamdik, la ilaha illa, anta astaghfiruka.